dors la nuit sur un vieux banc. Tout replié dans ton journal, au beau milieu d'un rêve blanc. Malgré le froid, parfois t'as le moral. Tu voudrais vivre le cœur au chaud, et puis un jour devenir beau, sortir de l'ombre et chasser tes doutes et tes dérives, tracer ta route dans la vie. Tu vis de tout, de rien, des petits boulots au petit matin. À votre bon cœur, messieurs, mesdames, métro pas pris, mépris entre deux rames. Tu voudrais vivre le cœur au chaud, et puis un jour devenir beau, et sortir de l'ombre, et chasser tes doutes et tes dérives, tracer ta route dans la vie. C'était la nuit sur un vieux banc. Il s'endormit tout en rêvant. Il avait froid, ce fut fatal. C'était écrit tout petit dans le journal. Tu voulais vivre le cœur au chaud, et puis un jour devenir beau, et sortir de l'ombre, et chasser tes doutes. Tracer ta route dans la vie. Il dort la nuit sur un vieux banc.